Alors je vais vous parler de deux blogs, ma foi, passionnants. C'est celui de Martin Winkler et celui de Rafik Djoumi. Des journalistes, en tout cas critiques, ciné, séries et ce genre de choses français, deux de mes préférés. Alors on va commencer par le blog de Martin Winkler. Alors, d'abord, petit préambule, ces deux blogs sont hébergés sur le site toutleciné.com, qui est un nouveau portail consacré au cinéma et aux séries télé, à la manière par exemple d'Allociné. C'est vraiment le même genre de principe, avec peut-être un côté un peu plus décontracté, un petit peu moins consensuel, un peu moins grand public. En tout cas, c'est l'impression que ça donne pour le moment. Et tout comme sur Allociné, il y a possibilité pour les utilisateurs de créer des blogs et de s'exprimer sur leur passion pour Dr House ou Grey's Anatomy et ce genre de séries que les plus jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Les moins jeunes aussi, oui. Je revendique. Particularité de ces blogs, il y a toute une série de blogs qui sont des blogs pro, donc suscités, créés par Toolciné, et deux d'entre eux sont donc ceux de Martin Winkler et Rafik Djoumi. Donc le premier est celui de Martin Winkler, il est accessible de manière très simple en tapant sans, donc 3W avant, martinvinkler.blog.toolciné.com. Donc Martin Winkler en un mot, Winkler s'écrit W-I-N-C-K-L-E-R. Donc Martin Winkler, on le connaît, hein, la maladie de Sachs, donc écrivain, médecin tout d'abord, qui s'est mis à écrire des romans à forte teneur autobiographique sur les pratiques d'un médecin. Et un excellent roman et un excellent film d'ailleurs, la maladie de Sachs. J'ai vu le film, j'ai pas lu le roman, mais effectivement c'est bien. Il a fait d'autres bouquins liés dans ce même cycle, donc oui. D'abord Les Trois Médecins, le dernier, mais il écrit également beaucoup de policiers, et il écrit aussi également sur la contraception, donc là c'est vraiment son rayon professionnel, et c'était également un des tout grands connaisseurs des séries télé en France, et il a commencé par écrire dans cette mythique revue qui est Génération Série, et c'est un vieux compère de Alain Carazé, autre grand monsieur de la série télé en France. Oh combien ! Et qui raconte toujours des choses intéressantes, même si on n'est pas forcé du tout d'être toujours d'accord avec lui et d'avoir ses coups de cœur et ses détestations, hein, c'est toujours discutable. Mais c'est toujours intéressant. Alors, ce blog de Martin Winkler, il est évidemment consacré à sa grande passion, qui est la contraception. Non, je déconne. C'est pour ça que tu voulais en parler. Voilà. Aux séries télé, évidemment. Je pense que le blog est intitulé « La sériephilie, c'est grave, docteur ». Oui, c'est ça. Et depuis quelque chose comme un mois, quelque chose comme ça, il écrit régulièrement des articles plutôt longs et intéressants à lire. Où il évoque par exemple ses séries télé préférées, donc qui remontent très très loin à son enfance, puis son adolescence. Lui aussi regardait Goldorak. Peut-être pas. Non. Hein. Et puis par exemple, il y a des choses comme ça qui sont à teneur un peu plus autobiographique, sentimentale, comme ses séries préférées, ses séries détestées. Et puis il nous parle un petit peu de l'état des séries télé en France, notamment par le biais des séries judiciaires. Où il nous explique pourquoi il ne regarde tout simplement plus la télévision maintenant que il sait regarder des séries en téléchargeant ou en DVD. Il n'y a plus besoin de s'embêter. Non, mais télécharger, c'est mal. Oui, mais justement, ces deux derniers articles sont intitulés « Télécharger ou ne pas télécharger ». Oui. Le premier fait un peu l'état des lieux du point de vue légal, on va dire, et du point de vue moral. Le pour et le contre, hein, avec les arguments des deux camps, on va dire. Et puis, le deuxième article explique pourquoi, et de manière très intéressante, pourquoi finalement il y a autant de gens qui s'amusent à bouffer toutes leurs bandes passantes et à télécharger pendant des heures et des heures des épisodes de séries, parfois en qualité assez mauvaise, avec des traductions faites par les fans, parfois assez approximatives. Et tout simplement, il explique, c'est une vraie pratique sociale, un vrai amour de ce genre feuilletonesque qu'est la série, avec le côté addictif de suivre les épisodes au moment où ils sont diffusés, comme pour les voir, comme les téléspectateurs américains les voient. Donc c'est très très intéressant. Et donc c'est une manière de parler des séries télé assez originale. Parce que, évidemment, des gens qui nous parlent de manière passionnée des séries télé sur le net, il y en a des kilos et des kilos, des blogs de fans, il y en a plein. Mais des gens qui écrivent aussi bien et qui ont des arguments aussi intéressants que Martin Vaclaire, il n'y en a pas des masses. Donc, un blog incontournable, si vous êtes accro à votre petit écran et à toutes ces séries américaines et autres qui y défilent à tour de bras. Avec en plus et ça on aime ou on n'aime pas chez Martin Vaclaire, ce côté toujours de connecter, j'allais dire presque de ramener à soi, mais toujours ce côté toujours journalistique d'informer, mais puis le côté un peu plus de l'écrivain qui a toujours une part de biographique, d'émotionnel. On n'est pas toujours dans la rationalité. Il assume complètement le côté parfois de ses jugements un peu subjectifs et exagérés et parfois fondés de mauvaise foi. Il reconnaît même qu'il se trompe à certains moments, où il émet des jugements complètement hâtifs sur des séries et puis il les voit de manière approfondie et il change complètement d'avis. Donc il y a vraiment un côté subjectif, ça, un blog finalement. C'est pas un truc de journaliste, c'est vraiment le côté, la vision subjective sur les séries c'est cette vision de Martin Vaclaire qui est tout aussi intéressante que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent sur les séries. Personnage ô combien sympathique et attachant, évidemment avec ses défauts parfois, mais qui sont sympathiques aussi, finalement. Aussi le rend attachant d'une certaine manière. Tout à fait. Autre blog, j'enchaîne, Oula, je vais y arriver. Autre blog donc sur toutleciné.com, celui de Rafik Djoumi. On peut y accéder par l'adresse suivante, donc rafik.blog.toutleciné.com. Et ce blog-ci est intitulé Compagnon Geek. Alors si un jeu de mots je ne l'ai pas compris, moi, Compagnon Geek, ça m'évoque ces bouquins de jeux de rôle à la Dungeon Master où on avait les compagnons, les bouquins pour le maître de jeu ou pour les joueurs avec tout l'univers. Oui, j'avais quoi. Pas pensé à alors, ça. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais bon, ce sera mon côté geek old school qui parle. Et Compagnon Geek, bah, tout simplement, a la vocation d'avoir un regard un peu réflexif, un peu original sur toute cette culture geek qui émerge depuis de manière souterraine, mais de plus en plus visible le début des années 80, et que cela soit à la télé ou au cinéma, en animation, dans plein de genres différents. Et il nous propose des réflexions très très intéressantes sur le cinéma français, par exemple, le cinéma de genre français, les échecs du cinéma de genre français, puis ses réussites, la réception critique et publique des films de genre français, problématique évidemment ô combien délicate, puisqu'on sait bien le rapport amour-haine que le cinéma français entretient avec le genre en général, c'est-à-dire complètement décrié et snobé par la critique pendant des années et des années, alors que le cinéma français a été un des grands pourvoyeurs de films de genre depuis le début du cinéma jusqu'en gros les années 70. L'inventeur du film de genre, c'est Méliès, hein, finalement. Par exemple, mais tous ces films... policiers de Melville, Verneuil et autres qui ont fait les grands jours du cinéma populaire français. Jusque la Deuxième Guerre, finalement. Hein. Même après, hein. Oh oui, mais enfin après ça s'est quand même méchamment calmé avec la Nouvelle Vague. Bah, et tout ça, tous les mais... films, tous les polars avec Belmondo. C'est vrai, tous les polars avec Belmondo. D'une certaine manière, tous les gendarmes ça, aussi. D'une certaine manière, mais non, il y avait vraiment une espèce d'âge d'or, d'état de grâce du cinéma français où les auteurs reconnus qui faisaient du cinéma pleinement artistique étaient aussi des auteurs qui avaient leurs films vus par des millions et des millions de gens. C'est vrai. Je ne l'ai jamais dit en public, Bruno, je peux bien faire mon coming out ici dans l'émission, mais une de mes premières émotions véritables cinématographiques, c'était quand même L'As des As avec Bebel. Mais oui, ça arrive. Hein, mais n'ayez pas honte. Un immense cinéaste français, c'est Philippe de Broca. Clairement, c'est un monsieur qui, de manière directe ou indirecte, a influencé quelqu'un comme Spielberg, par exemple. Voilà. Ne croyez pas que Philippe de Broca n'a fait que Chouan. Il y a d'autres choses. Il fait Le Magnifique. Voilà. Il a fait plein de trucs vraiment terribles. Mais oui. Bref, donc Rafik Djoumi revient là-dessus de manière très très intelligente et très très érudite, avec évidemment toujours beaucoup d'humour. Faut dire que c'est quand même un des rares journalistes cinéma français à nager à contre-courant. Pour mémoire, ceux qui n'écoutent pas Pop Culture ne le connaissent peut-être pas. Mais ça c'est mal. Hein. C'est mal. Mais Rafik Djoumi, c'est quelqu'un qui vient de Mad Movies, à l'époque où ce magazine pratiquait de manière très très intelligente la communion de tous les genres, du fantastique, tendance gore, horrifique, ou plus intelligente aux films d'action, aux films de science-fiction, aux films policiers, donc, bref, tout ce qui relevait de près ou de loin aux films de genre, avec une démarche assez similaire à celle de Yannick Dahan, par exemple, dont il faudra qu'on reparle ces jours de Pop Culture, qui est une émission télé française vraiment terrible. Donc, Rafik Djoumi, qui est également l'auteur d'un site consacré à Matrix, qui s'appelle Matrix Happening, vraiment très très intelligent, très très intelligent, qui déconstruit, qui démonte toute la machinerie narrative élaborée par les frères Wachowski. D'ailleurs, sur le blog de Rafik Djoumi, il est question, il y a une news sur le prochain film des frères Wachowski qui a l'air passionnant, c'est Speed Racer, d'après le célèbre dessin animé japonais des années 60, quelque chose comme ça, avec des acteurs américains, genre Susan Sarandon, et ils tournent de manière complètement bizarre avec des techniques super high-tech. Et à propos de techniques high-tech, d'ailleurs, un des premiers articles sur le blog de Rafik Djoumi, c'est sur toute cette série de films qui sont en train de se faire en performance capture, donc comme le Pôle Express, oui, ou comme Monster House, ou comme Beowulf, le prochain Zemeckis qui va sortir à la fin du mois. Oui, exactement. Et Cameron est en train de faire son Avatar de cette manière-là. Les Tintins de Spielberg et Peter Jackson seront probablement aussi réalisés de cette manière. Donc, si vous êtes vraiment un geek et que, par exemple, vous voulez lire un article sur le cinéma d'animation français en images de synthèse au début des années 90, pourquoi les Français ont failli faire les premiers longs métrages en images de synthèse avec, par exemple, Star Watcher ou 20 milieux sous les mers, et pourquoi Pixar, avec citation à l'appui, a complètement flippé sa race en se disant « Mais nom de Dieu, les Français vont nous brûler la politesse. Nous, on n'a même pas encore commencé la production de Toy Story, qu'il y a déjà des images, des extraits de 20 milieux sous les mers qui tournent. On est complètement largués et ils ne savaient plus quoi faire. » Mais non, le cinéma français s'est cassé la figure là-dessus. Une fois de plus, faute à un système de production complètement absurde. En tout cas, il ne donne pas leur chance à des projets un peu hors normes. En tout cas, complètement dépassé par rapport au marché actuel, ça c'est clair. C'est clair. Donc, si vous êtes intéressé par lire ce genre de choses, et je suis sûr que si vous en écoutez, c'est un petit peu le cas, je vous conseille vraiment, c'est une lecture indispensable, d'aller faire un tour sur le site de Rafik Djoumi. Je rappelle l'adresse, rafik.blog.toulciné.com. Toulciné, c'est pas Théo, hein, c'est T-O-U-T, pour ceux qui n'écoutez pas tout le ciné. Pour ceux qui écrivent vous, V-O-O. Ouais, c'est ça, c'est pour ceux-là. Et si vous allez sur le site toutleciné.com, vous cliquez dans la rubrique blog et vous trouverez très facilement ces blogs qui sont parmi les plus populaires, les mieux notés absolument par les internautes. Absolument. Je dois quand même dire... Alors, je suis désolé, je vais faire une mais petite... Mais les blogs sont moches. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. J'ai voulu, parce que pendant que tu en parlais, évidemment, moi j'étais en train de surfer allègrement, et donc j'ai voulu m'abonner au flux RSS de ces blogs, et ça ne marche pas. Oh bon, moi j'y suis arrivé. Eh bien là, il y a une NetVibes. Petit dysfonctionnement aujourd'hui sur leur serveur. On a. Oh. Mais c'est leur serveur. Le site est parfois un peu capricieux, j'ai jamais l'avoué. Leur serveur retourne une erreur, donc ce n'est pas possible pour l'instant. Je suis un tout petit peu déçu, je te l'avoue, mais bon, je réessayerai. C'était le coup de gueule geek du jour. C'est promis. Et alors, puisque tu parlais de site, moi je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice, sinon. Vous remarquerez quand même, au passage, chers auditeurs, que malgré tout, on a fait quand même un super gros effort depuis le début de l'année. On vous a pas encore parlé une seule fois d'iPhone. Non, Xavier. Et non, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Ça ne va pas commencer aujourd'hui. Non, du tout, je le disais, mais je tiens juste à le faire remarquer. Tu auras le droit de faire le test un jour, si tu veux. Ouais, quand il sera en Belgique, parce que là, c'est pas gagné. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'était pas du tout pour parler d'iPhone que je voulais parler. Ça y est, j'ai réussi à le dire trois fois. Il touche même pas d'argent de la part d'Apple. Même c'est lui pas. Qui paye Apple. C'est fou, hein. Ça, c'est de la belle publicité. Il y a un chouette site, parce qu'il y a plein de cartoons en ligne qui sont rigolos. On avait déjà parlé de Nico Shark à l'époque. il en fait plus maintenant, je pense, Denis Kocherk. Hein. C'est fini, ça. Non, non. Il y a donc la BD qui va sortir, le recueil, voilà, qui sera loin d'être aussi épais que celui de Frantico. Donc, à mon avis, ce sera une quarantaine de planches, quelque chose comme ça. Et donc, si vous aimez les cartoons en ligne et que vous êtes anglophone, parce que malheureusement, il n'y a pas de version française. C'est... Cartoon, donc BD. Cartoon, pas BD, voilà. Ouais. Une planche par jour, ou presque. Celui-ci n'est pas d'une régularité folle. Ça s'appelle xkcd.com. C'est des histoires en noir et blanc avec des petits bonshommes dessinés en bâton, donc un cercle et puis des bâtons pour faire les membres, etc. C'est super rigolo, mais vraiment super rigolo. Je vous laisse la surprise, c'était juste un petit insert comme ça, tu vois, pour petit easy. Voilà, le petit bonus. Le petit bonus, donc xkcd.com. C'est que en anglais, mais franchement, ça vaut l'effort. Moi, je me bidonne chaque fois que je lis ça. Voilà. C'est bien, hein? C'est très bien.